quand je suis en lumière. Alors, on va beaucoup de temps. Oui, on va beaucoup de temps. yang boleh mahu main dia na, deh. Okay. Ai, muito ai.